Toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de ce journal de la mi-journée de ce mardi dont voici les grands titres. Le communiqué relatif à la réouverture des bureaux de change récemment sorti par la Banque de la République du Burundi manque certaines précisions, d'où le président de l'Olicom souhaite avoir des éclaircissements. Les battoirs de la province de Cibitoke font face à une vie de misère. Pour cette catégorie de personnes est appelée à travailler en synergie pour ne plus tomber dans la mendicité. La chronique santé de ce mardi parle de la santé mentale. Voilà pour l'essentiel. Vestinez-vous sur la présentation à la cabine technique et vous êtes avec Eric Ouiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons ce journal et par la page de gouvernance, la population burundaise devrait savoir si la mesure prise par la Banque centrale BRB relative à la réouverture des bureaux de change concerne les organisations locales et internationales non gouvernementales vivant au Burundi. Souhait de Gabriel Oussili, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et la malversation économique, Olicom en sigle, il pense que le communiqué sorti par cette banque la semaine dernière reste flou. Suivez-le. C'est vraiment une décision qui était attendue. C'est la raison pour laquelle nous sommes très satisfaits de cette décision. Nous avons aussi une demande parce que dans le communiqué qui avait été publié par la BRB, ce n'est pas clair que cette mesure concerne les organisations sans but lucratif et les ONG internationales. Comme vous le savez, le gouvernement se plaignait dans ces derniers jours que la plupart des ONG et organisations internationales auraient décidé dans le passé que ces ONG allaient dans les pays limitrophes pour chercher de l'argent, alors que normalement ça devrait se faire au Burundi. Cela était dû simple fait que le gouvernement avait pris une mesure que nous qualifions vraiment d'injuste, comme par ailleurs c'est bien signalé dans le communiqué qui avait été lu par le gouverneur de la BRB, comme quoi cette mesure causait des préjudices énormes à l'économie burundaise. Donc, nous demandons à ce que la BRB éclaire l'opinion tant nationale qu'internationale si réellement cette mesure a été levée ou pas. Si tel n'est pas le cas, que la BRB procède à lever donc cette mesure parce que c'est une mesure qui condamne les ONG internationales. Donc, c'est important que cette mesure vraiment soit levée aussi. Ça sera en tout cas utile pour le pays. Gabriel Eloufili, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et la malversation économique, Olicom, était au micro de Mireille Kanyangé. Et les opérateurs économiques et à capacité financière de production devraient avoir l'autorisation d'importer les produits tels que le sucre et le ciment pour satisfaire la demande. Lors du Conseil des ministres tenu la semaine dernière, Prosper Nangwami, secrétaire général et porte-parole du gouvernement, précise que le prix devrait être fixé pour les produits indispensables uniquement. Suivez-le. À la suite de multiples tentatives de hausse des prix de certains de ces produits, mais également à la suite de la pénurie et de la spéculation entourant ces produits. Après échange et débat sur la note, les observations et les recommandations suivantes ont été formulées, notamment: le point commun pour tous les trois produits est que la demande est largement supérieure à l'offre. Compte tenu des capacités de production de ces entreprises, il n'est pas évident que ces produits seront disponibles même après la hausse des prix. Pour les produits Braoudi et Bousseco, il est important d'analyser les coûts de production pour proposer des prix réaliste. Les sociétés Braoudi et Bousseco doivent montrer un plan d'augmentation de la production pour que ces produits soient disponibles avant d'envisager la hausse des prix. Pour les produits de la Sosumo et Bousseco qui sont insuffisants, permettre à d'autres opérateurs à capacité financière suffisante une porte pour importer ces produits. L'administration doit faire respecter les prix en vigueur car les prix augmentent alors que les taxes restent les mêmes. Le ministère en charge de l'industrie ainsi que l'agence de développement du Burundi sont appelés à trouver des mécanismes pour encourager les promoteurs industriels qui veulent investir au Burundi. Cependant, vu la situation réelle qui prévaut sur les cas de spéculation et de pénurie artificielle, et considérant que même si l'importation du ciment et du sucre est libéralisée depuis le 6 septembre 2022, ces produits restent rares sur le marché et la note propose. Sur le plan commercial, la revue des prix des produits Sosumo, Bousseco et Braoudi pour casser le différentiel entre les prix officiels et les prix du marché. Pour les produits indispensables, les prix devraient être réglementés, tandis que pour les produits non indispensables, les prix devraient être libéralisés. Le coût des matières premières et celui du transport ont augmenté, ce qui a eu un impact sur le coût de production. Les ministères en charge des finances et du commerce devraient analyser à temps les coûts de production des divers produits et surveiller constamment les facteurs qui font que les prix montent pour pouvoir anticiper les décisions. La radio de l'avenir. Il est 13h passées d'une minute dans les studios de la radio Isanganiro. Continue le journée par la page société. La population des Kinibato habitant la colline Rukana 2 en commune Rugombo de la province Chibitoke déplore les conditions de vie dans lesquelles il est. Ses habitants se lamentent que le ministère de la Solidarité ne les assiste ni à logement, ni en vivre ou en scolarisation de leurs enfants. Sur ce, le gouvernement de cette province appelle plutôt cette population lésée à travailler avec d'autres dans des coopératives de développement au lieu de passer du temps en mendier. Mireille Kanyang. Excusez-nous, l'élément n'est pas encore disponible. Toujours en page société, les habitants de la colline Rugunga et ses environs en conflit foncier avec le camp Modubugu de la commune Gianga ont assiégé ce lundi le bureau du gouverneur de Bubanza réclamant la réponse pour ce dossier. Ils expliquent qu'ils sont déjà en retard pour la saison culturelle A et craignent une éventuelle famine puisqu'ils sont empêchés à cultiver. Cléophas Nizigimana, le gouverneur de Bubanza, lui a annoncé que le problème est déjà soumis au ministère de l'Intérieur, d'où il faut attendre sa réponse. Les détails avec Space Caritas Kavanyan. Ce sont les habitants des collines Rugunga, Kihungwe, Kagwema et Chimbizi qui sont en conflit foncier avec le camp militaire de Modubugu en commune Gihanga. Ils se comptent autour de 10 000 ménages. Comme ils le disent ce lundi, ils étaient environ 200 personnes qui ont assiégé le bureau du gouverneur de Bubanza, lui demandant d'intervenir pour résoudre ce problème, un dossier qui est sur la table de l'ombudsman burundais depuis le début de cette année. Ils déplorent le fait qu'ils n'ont pas accès à ces propriétés actuellement. Quand ils y vont, ils sont quelquefois battus et chassés par les militaires qui saisissent même les roues selon des cultivateurs contactés, qui se demandent où ils vont trouver de quoi manger puisqu'ils ne sont pas en train de cultiver pour cette saison culturelle A. De son côté, Cléophas Nizigimana, gouverneur de Bubanza, les a écoutés et leur a expliqué qu'il a déjà écrit au ministre de l'Intérieur et qu'il attend actuellement la réponse. Space Caritas Kavanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Toujours en page société, les décideurs et partenaires au développement du Burundi ont besoin des informations fiables du secteur agricole pour une bonne planification socio-économique. Propos du représentant résident de l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation, FAO, au Burundi. Il estime que le secteur agricole contribue à environ 40% du produit intérieur brut au Burundi. David Firi l'a annoncé lors d'un atelier de ce mardi sur le niveau de réalisation des préparatifs du recensement général de la population, de l'habitat et de l'agriculture et de l'élevage 2022. Suivez-les dans ces propos recueillis par Jean de Dieu Irakos. Le secteur de l'agriculture constitue le moteur de croissance de l'économie nationale et il est par conséquent le secteur prioritaire du gouvernement du Burundi. En effet, il est le garant de la sécurité alimentaire des populations. D'après le ministère en charge de l'agriculture, celle-ci est pratiquée d'une façon traditionnelle par environ 1,2 million de familles, soit une proportion de 90% de la population sur de très petites exploitations qui varient en moyenne à 1,5 hectare. Le plan national de développement PND 2018-2027 révèle que l'agriculture contribue à hauteur de 39,6% au produit intérieur brut et offre 84% d'emplois et est le principal pourvoyeur de matières premières à l'industrie agroalimentaire. L'agriculture compte pour 95% des exportations, représentant ainsi la source principale de devises étrangères pour notre pays. C'est sûrement pour cette raison que le gouvernement a placé ce secteur au centre de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté. Pour cela, les décideurs et partenaires au développement du pays ont besoin d'informations pertinentes, fiables et exploitables sur le secteur agricole afin de formuler des politiques et stratégies adaptées au pays et faciliter le suivi et l'évaluation des programmes de développement socio-économique. C'est ainsi qu'à la demande du gouvernement du Burundi, la FAO en tant qu'agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, spécialisée entre autres dans les domaines de recensement et enquête agricole, a apporté en 2021 son appui à la formulation du projet de recensement général de l'agriculture et de l'élevage. Je venais de vous le dire que la population des Tinibatois habitant la colline Erukana 2 en commune Erugombo de la province de Cibitoke déplore les conditions de vie dans lesquelles elle est. Ses habitants se lamentent que le ministère de la Solidarité ne les assiste ni à logement, ni à vivre ou en scolarisation de leurs enfants. Sur ce, le gouverneur de cette province appelle plutôt cette population lésée à travailler avec d'autres dans des coopératives de développement au lieu de passer du temps à mendier. Les détails avec Mireille Kanyangi. Tubayeho nabi nabi ntitugira icyo tutamira babandi barubakiwe twebwe ntitwubakiwe. Ils disent être désespérés suite aux conditions de vie. Cette population autochtone de la colline Rukana 2 parle notamment de manque de nourriture et de logement indécent. Turamerewe nabi ngaha ntacyo dufashwa tubayeho nabi tuba mu malheureux. Nos maisonnettes sont déplorables. Les autres sont assistés, mais pas nous. Des champs ont été donnés à Rousseno, mais ils sont labourés par les gens que nous ignorons jusqu'ici, alors qu'ils étaient destinés à nous. Kandi iyo mirima yahawe abasangwa butaka hari abantu bamwe bamwe baguma bakotesha imirima baguma bayigurisha. Ndasonze ndamerewe nabi. Je n'ai rien à de mes honnêtes propres à moi. On n'a vraiment pas de nourriture. C'est vrai, les enfants vont à l'école, mais ils n'ont pas d'informe. Selon cette population, même ceux qui les représentent ignorent encore la vie que mène cette catégorie de Burundais. Ces habitants de Rukana 2, en commune Rugombo, appellent à l'aide. Sur ces préoccupations, Karem Wizoza, gouverneur de cette province de Cibitoke, appelle cette population à adhérer dans des groupements et associations pour le développement. Le problème, c'est que c'est un groupe qui veut opérer en solo, alors que l'air est aux activités d'ensemble, que ces bateaux se mettent ensemble avec les autres. Il y a des associations des bateaux qu'ils y adhèrent afin qu'ils puissent bénéficier des assistances. Il n'est vraiment pas possible d'assister une personne. Il faut un esprit de groupe. À ces autochtones, l'appel du patron de cette province est de ne pas vendre ce qu'ils ont eu comme assistance. Et en page éducation, des représentants syndicaux de l'enseignement espèrent que la mise en place des comités communaux de dialogue social à milieu de travail va apporter des changements. Souhait émis lors d'un atelier de son lundi organisé par le Comité national du dialogue social à milieu du travail. Quant aux responsables communaux de l'enseignement, ils trouvent qu'il faut un noyau qui rassemble ces syndicats pour le bon déroulement des activités. Arthur Kavarouche. Selon Sylvestre Nimanunganya, président du Comité national de dialogue social en milieu du travail, les membres de ces comités communaux doivent avoir à l'esprit que ces dialogues sont différents des dialogues politiques. Nous commençons par Gitega et nous allons continuer ailleurs pour aller du niveau national en passant par celui de province pour arriver dans les communes. Sachez que ce comité de dialogue social en milieu du travail, ce n'est pas de dialogue politique. Celui qui veut cela, qu'il aille au forum des partis politiques. Ici, il est question des relations entre les employeurs, les employés et l'exécutif. Alors, vous qui serez dans ces comités communaux, partez en sachant ceci, que quand on mélange la politique et le travail, on met en danger le milieu du travail. Quant à ceux qui représentent les syndicats des enseignants au niveau des communes, ils espèrent que dorénavant, ils seront consultés avant la prise de décision. Quand il y a tenue d'un conseil communal de l'éducation sans les représentants des enseignants, Mahatma Gandhi l'a bien dit, tout ce que tu fais pour moi, sans moi, tu le fais contre moi. Comme on était écarté, eh bien, je trouve qu'il n'y aura plus de prétexte. Cependant, les directeurs communaux de l'enseignement trouvent qu'il faut un organe qui rassemble ce syndicat. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui représente tel ou tel autre syndicat, afin de savoir que s'il y a un organe qui les rassemble et en être informé que dans la commune d'Ishouri, leur délégué c'est tel, ce serait facile. Au sein du comité national du dialogue social en milieu du travail, ils demandent à ces responsables communaux de l'éducation de collaborer avec ces syndicats comme c'est le cas au niveau national. En tout cas, Babou Sigitega, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique santé. La santé mentale est définie comme l'état d'une personne qui vit dans son bien-être au niveau mental et psychosocial. Le psychologue et clinicien Alain-Joseph Atungimana précise que le cas contraire n'est pas synonyme de la maladie mentale. Il se réfère à certains symptômes du mal-être, comme la perturbation du sommeil qui peut disparaître d'un moment à l'autre, une fois que la cause est réglée. Le psychologue Atungimana insiste que le soutien familial peut aider la personne à retrouver le moral et éviter d'atteindre la maladie, la chronique santé avec Ornella Mouchou. La plupart des fois, les gens ne savent pas différencier la santé mentale de la maladie mentale. Alain-Joseph Atungimana, psychologue et clinicien au sein de l'Association des psychologues et sa vacances, explique que la santé mentale est l'état de bien-être à chacun de réaliser son potentiel et être capable de faire face aux difficultés normales de la vie au moment où la maladie mentale est l'ensemble de dérèglements au niveau des pensées, émotions et ou du comportement. Différents signes montrent alors le bien-être mental, autrement dit la santé mentale. Une personne avec une bonne santé mentale, c'est une personne qui vit dans son bien-être, que ce soit au niveau mental, psychologique, que ce soit au niveau des interactions avec la communauté au niveau social, mais aussi c'est une personne qui peut se réaliser. Se réaliser, c'est avoir de bonnes relations, avoir une activité génératrice, que ce soit des revenus, qui vit en commun accord avec son intérieur. Dans le cas contraire, c'est le mal-être caractérisé par différents signes, dont l'angoisse et la perte d'appétit. Les signes diffèrent d'une personne à une autre parce qu'on peut vivre une même situation mais ne pas avoir même charge émotionnelle. Alors, pour caractériser une personne en détresse, peut-être qu'on peut parler de signes communs comme des perturbations du sommeil au niveau physique, que ce soit de la fatigue, que ce soit au niveau des émotions, c'est des humeurs qui changent de temps en temps, mais aussi au niveau motivationnel, parce que la personne ne peut plus vaquer à ses activités comme avant, mais aussi au niveau des relations avec les autres. Soit la personne se replie sur soi-même, mais aussi elle peut présenter des signes de manque d'estime de soi ou faible estime de soi. Pour éviter de tomber dans la maladie mentale, la personne doit adopter un comportement favorable à sa vie et bénéficier du soutien psychosocial. Pour ne pas tomber dans le dérèglement, la personne peut d'abord s'aider soi-même en adoptant de bonnes habitudes, que ce soit dans ses conditions de vie, manger sainement, faire des activités sportives, être en interaction avec les autres. Et lorsque peut-être il passe dans des moments de difficultés émotionnelles, il faut oser parler à une autre personne pour partager ses émotions. C'est aussi une façon de prévenir la maladie mentale. Si la situation ne change pas, il faut alors consulter un psychologue et clinicien qui pourrait collaborer avec un psychiatre. Les détails seront donnés dans notre prochaine chronique santé. Merci, Ornella Mucho, et c'est par cette chronique santé que nous mettons un point final à cette édition de la mi-journée de ce mardi. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana pour la parfaite collaboration. Vestine Outoujité à la présentation. Au revoir. Passez un bon après-midi.